Les sales histoires de Félicien Moutarde, de Fabrice Melchiou. La naissance de Félicien Moutarde. Je m'appelle Félicien Moutarde. À l'heure qu'il est, je n'ai pas encore vu le jour. Vous allez assister à ma naissance en direct. C'est pas beau à voir. Non, je ne suis pas beau. Pas intelligent non plus. Pas mignon, pas trognon, pas chou, pas doudou, pas intéressant du tout. Tout le monde dit que je vaux des clous. Comme ça, vous êtes au courant et ça vous fait les pieds. Lui, c'est mon père, Michel Moutarde. Il a la moitié de tous les défauts de la terre et absolument aucune qualité. Franchement, mon père Michel est têtu et impulsif, susceptible, autoritaire, fainéant vu qu'il a horreur d'aller travailler et il hurle au moindre bobo. Alors, c'est un sacré pleurnicheur. Et puis, il est égoïste, il est méchant, il est vulgaire. Il adore les voitures de course, mais il conduit un tas de boue. Il est dyslexique. Et puis, il est petit. Il est tout petit. Il est si petit qu'on se demande comment c'est possible que ce soit mon père. Pour finir, il a les oreilles décollées, des gros yeux bourrés de globules, les dents toutes noires et les cheveux longs. Bref, c'est vraiment une tâche, mon père, avec sa moitié de tous les défauts de la terre. Maintenant, c'est pas possible. Elle, c'est ma mère, Mireille Moutarde. Elle a l'autre moitié de tous les défauts de la terre et malheureusement, aucune qualité non plus. Franchement, ma mère Mireille est lente, impatiente, capricieuse, mauvaise perdante et puis jalouse, tellement naïve qu'on dirait une courge avec des jambes. Sinon, elle ne pense qu'à elle. Elle boit tout ce qu'elle trouve et elle mange tout ce qui bouge, même si c'est vivant. Elle est vraiment assez moche dans l'ensemble. À part ça, elle adore avoir raison quand elle sait qu'elle a tort, et elle a plein d'amis à qui elle parle trop de tout et de rien. Bref, c'est vraiment pas un cadeau, ma mère, avec sa moitié à elle de tous les défauts de la terre. Ah, permettez-moi de m'interrompre, je crois que c'est le début de ma naissance. Voici mon crâne, pour commencer. C'est un crâne moche. Ça se voit d'avance qu'il est moche. C'est un crâne qui pue, ça se sent. Dans ce crâne germeront les idées les plus noires, les idées les plus stupides, les idées les moins belles qui soient. Mais on voit déjà bien que je suis le portrait craché de mes parents. J'ai le nez de ma mère et les oreilles de mon père. Et puis des gros yeux avec des petites rivières de sang. Un regard à la fois perçant et perdu, une bouche de traviole et des dents de piano, une blanche, une noire. Bah oui, j'ai déjà des dents. J'ai vachement faim, alors je ne vois pas pourquoi je devrais attendre qu'elle pousse. Avec cette figure-là, je ferai peur à tout le monde et ça vous fera encore plus les pieds. Allez-y, monsieur Moutarde, coupez le cordon. Ma chérie, il est magnifique. J'ai envie de pleurer. D'ailleurs, tu pleures, espèce de poule mouillée. Et je pleure de bonheur à Bruki. Mes parents sont ce qu'ils sont, mais ils s'aiment et ils me serrent dans leurs bras. On est une famille, à nous trois. La famille qui pue, la famille qui pète, la famille qui craint du boudin. Et j'ai pas eu mal. Si tu te moques de mon père ou de ma mère, je séquestre tes peluches dans un placard tout noir et je leur coupe un doigt et je te l'envoie par la poste en recommandé avec accusé de réception pour que tu sois obligé de te déplacer si t'es pas chez toi au moment où le facteur passe. Ça te fera encore plus les pieds. Je m'appelle Félicien Moutarde. Ça y est, je suis né, contre vents et marées. J'ai hérité de tous les défauts du monde. Pourtant, de nos jours, dans notre monde, la plupart des gens ont plutôt des super pouvoirs. Moi, j'ai des super points faibles. Je suis un petit garçon vraiment pas gâté. Le plus étrange dans cette affaire, c'est que je suis quand même très heureux d'être en vie. Félicien Moutarde assassine sauvagement Bambi. Je n'aime pas ma chambre. C'est une vraie chambre de bébé garçon avec les murs bleus. Les petits camions, les petites voitures, les peluches et tous les jeux qui ne servent qu'à éveiller les endormis. Là, tu vois, c'est mes habits. J'aime pas mes habits. Ils sentent le bébé. J'aime pas les bébés. Et il y a mon prénom sur la porte, écrit de toutes les couleurs. Comme si toutes ces couleurs, ça pouvait le rendre plus joli, mon prénom. Félicien, tu parles. Demain, j'ai 1 an. C'est pas rigolo, c'est tragique. Le tragique, c'est quand tu n'as pas le choix, quand c'est comme ça et pas autrement, quand c'est plus fort que toi. Le tragique, ça ne rigole pas. Je ne rigole pas. Il faut me prendre très au sérieux. Des fois, je me dis, Félicien Moutarde, tu vas avoir 1 an. Arrête de subir, mon vieux. Je m'appelle mon vieux pour me vieillir. Je crois qu'il est temps d'accomplir un acte décisif. Il faut que tu te libères, mon vieux. Il faut que tu ne sois plus n'importe lequel de ces bébés obligés d'avoir une chambre bleue et d'être élevés par leurs parents. Ce que je déteste le plus dans ma chambre bleue, c'est le coin réservé à Bambi. Tu connais Bambi ? Dans le coin réservé à Bambi, il y a un dessin animé et une peluche. Le dessin animé de Bambi et la peluche de Bambi. Ma mère, l'après-midi, quand elle repasse les chemises de mon père, elle me plante devant la télévision avec le dessin animé de Bambi qui passe à l'intérieur. C'est mes pires cauchemars. Elle croit que je pleure parce que je suis un enfant difficile. Mais je ne suis pas difficile. Je suis terrorisé. Maman ? Bambi me fait peur avec ses grands yeux trop grands, de petits fans trop petits et tout malade et tout triste, tout dégoûté de la vie. Maman ! Déjà que moi, je suis malheureux d'être ce que je suis. Si en plus, je dois m'apitoyer sur le sort d'un animal de ce genre, alors maman, vraiment, la vie, c'est pas rigolo. Je vais l'assassiner. Maman m'embrasse, papa m'embrasse. Ils m'offrent mes cadeaux. On nage dans l'amour. C'est une rivière pleine d'épaves et de poissons volants. On est une famille heureuse et fière et bourrée de défauts. Dans son coin, Bambi nous regarde et il n'en pense pas moins. J'en peux plus de ce fan. Je remplis mon premier pistolet à eau. Bien sûr que je sais ouvrir un robinet. J'ai 2 mains, c'est pas juste pour faire coucou. J'arrose Bambi pendant des heures, sauvagement, avec mon pistolet à eau. Je l'arrose. À la fin, c'est plus une peluche, c'est une éponge. Il est tellement plein d'eau, cet abruti de fan, que ça inonde la chambre. Et maman n'est pas contente, et elle fait les gros yeux. Bambi. On voit bien qu'elle ne dort pas avec. Le lendemain de mon anniversaire, j'ai enterré le dessin animé de Bambi dans le jardin. Je crois que Félicien essaye de nous faire comprendre quelque chose. Adieu, Bambi. Adieu, et bon ben, désolé, quoi, c'est une sale histoire. Vieillir, c'est déjà assez dur. Si en plus t'as un animal abandonné chez toi, ça te casse le moral. Tu comprends ? J'ai une arme. C'est ma première arme. J'ai commis mon premier crime. Je suis recherché par toutes les polices du monde. Il y a un sourire inexplicable sur ma figure. Quand je regarde au fond de moi, il y a des choses méchantes et dangereuses et je ne les comprends pas, tu vois ? Il y a des mots d'une force incroyable qui entrent dans ma bouche et font un bras de fer avec ma langue. Ils gagnent à tous les coups. Je finis toujours par les prononcer. C'est tragique. Félicien Moutarde, je sens que tu es en train de devenir quelqu'un de tout à fait hors du commun. Le premier amour de Félicien Moutarde. C'est un beau jour d'avril et ma mère Mireille m'emmène au jardin d'enfants. J'aime pas y aller. Parce que tout le monde me regarde et me trouve moche ou anormal. Et on se moque de moi. Ou alors on fait celui qui n'a rien remarqué. Mais je sais bien ce que je suis, moi, Félicien Moutarde. J'ai tous les défauts du monde. Au jardin d'enfants, il y a des enfants. C'est ça le problème. Si c'était juste un jardin, il n'y aurait que des plantes et on aurait peut-être des choses à se dire. Dans l'ensemble, c'est tous des têtes à claque ici. Alors je fais du toboggan tout seul. Je m'en fiche. Ça, c'est Brutus. Je l'ai croisé plusieurs fois. Il a déjà 2 ans et Brutus, eh ben, c'est son vrai prénom. Des fois, il ramène son chien qui pue, un épagneul avec des tas de mamelles qui traînent dans le sable. Il s'appelle Barbara, son chien. Brutus est un abruti. Quand il me voit, il fait semblant de vomir. Et même qu'une fois, il n'a pas fait semblant. Moi, au moins, je suis propre, espèce de promeneur de mamelles. Quelqu'un voudrait enlever Brutus et ma mère en même temps? Je peux payer, j'ai un compte en banque. Mes pères Philémon et mes mères Louise me donnent un peu d'argent. C'est les parents de papa. Ils vivent en Suisse. Je crois que des fois, ils nous rendent visite. Mais je ne peux pas le jurer parce que j'ai découvert que je confonds les vieux. Brutus montre ses muscles à Brenda. Brenda a une petite robe orange avec des lions dessinés sur le devant. Brenda n'est pas gentille avec moi. Elle me tire la langue. J'attends patiemment que ces lions sortent de sa robe et la mangent. Ça lui fera les pieds à cette... Je préfère te laisser choisir ton insulte préférée. Tu la traiteras de ma part, ça fera plein d'insultes différentes. Je suis diabolique. C'est qui, elle? C'est quoi, ça? Tiens, on dirait une nouvelle. Bah ouais, bon bah, c'est une nouvelle. Il y a une nouvelle au jardin d'enfants. D'abord, je ne l'avais jamais vue, et puis, elle est là. À vue de nez, elle a mon âge, peut-être un mois de plus. Elle me... Qu'est-ce que... On dirait que... Je me sens tout... Quelqu'un a vu la fin de mes phrases quelque part. Félicien Moutarde tourne la tête. Baisse les yeux, Félicien. Elle approche, mon vieux. Fais comme si de rien n'était. Ne la regarde pas, Félicien. Tu n'as pas encore 2 ans. Tu es tout petit. Fuis l'amour, fiche le camp. Tu ne vas pas te caser si jeune. Allez, courage. Va faire de la balançoire en prenant un air détaché. Jouer. Toi. T'appelles? Oh. Jouer, toi. Bah... C'est pas rigolo, je me dis, qu'on soit traversé par autant de pensées et qu'on ait si peu de mots pour les offrir. Voilà, mon cœur est renversé comme une crème. Mon cœur est caramélisé. C'est la faute de première fois qui pique. C'est le nom que je donne à cette fille qui veut jouer avec moi. Première fois qui pique. C'est un nom d'indienne. Parce qu'elle m'a tiré une flèche dessus et je suis tombé à genoux au pied du toboggan. Bon, d'accord, j'en rajoute un peu. Elle se balance. Elle se balance et elle sourit. Elle me sourit à moi. Brutus et Brenda nous regardent la bouche comme un tunnel. Barbara leur pisse sur les chaussures et ils ne se rendent compte de rien. C'est un instant magique. L'instant où Barbara fait pipi. Première fois qui pique, je te donne ton premier nom. C'est moi qui te baptise. Sois la bienvenue dans la vie de Félicien Moutarde. C'est moi. Sois la bienvenue dans l'amour fou. Il a commencé comme ça, avec le mot « jouer ». Et puis, on s'est balancé. Tous mes défauts sont là. Sous tes yeux, comme les preuves d'un crime, ma bouche de traviole, mes dents pas belles, mes oreilles de chou. Mais tu te balances quand même. C'est fou. Moi aussi, alors. On se balance. On se balance. Encore. Et d'ailleurs, j'ai un peu mal à la tête à force. Et quand je vais m'asseoir pour éviter d'être malade sous tes yeux, eh ben tu vas t'asseoir aussi. Félicien Moutarde kidnappe sa mère. Première fois qui pique s'appelle Josepha Riton dans la vraie vie. C'est mon premier amour. C'est quand même assez joli. D'autant qu'elle ressemble toujours à un buisson d'aubépine avec ses cheveux et tout. Hier, quand je l'ai revue, elle m'a beaucoup impressionné. Elle fait des roulades immortelles. Ça me semblait la moindre des choses de la rebaptiser deuxième fois qui roule. Nous deux, je crois que c'est une affaire qui marche. Elle joue avec moi à faire des tas de sable et elle m'appelle Issien. Elle a du mal à dire mon prénom comme il faut. Pourtant, elle a un mois de plus que moi. Je ne dis pas que je parle mieux que deuxième fois qui roule, non, non. Mais j'ai des pensées plus complexes. Normal, je suis un garçon, c'est une fille. Bonne nuit, mon chéri. Hier, ma mère a enlevé les barreaux, tous les barreaux de mon lit. Faites beau rêve. Elle a dit que je ne risquais plus de tomber, que j'étais un grand garçon, 2 ans le mois prochain. Mais cette nuit, j'ai rêvé aux roulades immortelles de deuxième fois qui roule, et j'ai roulé de mon rêve à la vraie vie, et bon, ben, je me suis cassé la binette. Ce matin, maman a remis les barreaux, tous les barreaux de mon lit. Josepha Riton, tu rimes avec prison. Mais je t'aime. Jardin d'enfants, mardi, 15h23. C'est le tournant de ma vie. Alors dans ma tête, je note la date et l'heure pour m'en souvenir jusqu'à la mort. Deuxième fois qui roule devient troisième fois qui coince. Bon, ben, Josepha Riton ne joue pas avec moi. Josepha Riton m'ignore. Bon, ben, Josepha... Josepha Riton joue avec Brenda. Elle joue à la poupée. Les deux nuls. Je suis sûr que Brenda a dit à Josepha que j'étais le plus vilain de tous les enfants de la ville, voire du pays, et peut-être du monde. Et Josepha a découvert le pot aux bouses. Jouer ? Non. Jouer, Issia ? Non, pas jouer. Pourquoi ? Non. Non, non, non. Burk. Entre enfants, nous savons aller à l'essentiel. Mardi, 15h32. Josepha Riton m'a brisé le cœur comme si c'était un œuf de caille, un minuscule œuf de caille malade avec la coquille fragile. Je vais seul à la balançoire. J'aime la solitude, espèce de coiffeuse de poupée. Je n'ai pas besoin de toi. Le soir, je serre ma mère Mireille contre moi. Et là, je me dis que c'est le moment. Je vais fermer la porte d'entrée à clé. Et je kidnappe ma mère à l'intérieur de chez nous. Je la kidnappe. Ça veut dire que je l'enlève. Tu sais pourquoi je la kidnappe ? Pour demander une rançon à mon père. Et ils vont me la payer, mon opération de chirurgie esthétique. Parce que je ne serai pas laid une minute de plus. Maman. Oui, maman est là. Pourquoi tu fermes la maison à clé, Félicien ? Clé. Oui, j'ai vu. Tu as fermé à clé. Clé. En son. Quoi ? En son. Une chanson. Sur le pont d'Avignon. Non. En son. Ignapement. La nappe de maman ? Mais c'est Mémère Louise qui l'a achetée, la nappe de maman. J'ai couru aux toilettes. J'ai jeté la clé dans les cabinets et j'ai tiré la chasse. Maman m'a crié dessus. J'ai hâte d'avoir 18 ans pour être un rebelle et kidnapper ma mère et demander une rançon à mon père avec tous les mots qu'il faut pour le dire, genre « Oh les mains, ferme-la la vieille, aboule le fric, papa !» Félicien a l'air triste en ce moment. Aujourd'hui, il a essayé de m'enfermer, ici, avec lui. Il n'est pas exactement tel que nous le rêvions, mais... Il te ressemble, Michel. Mais non, c'est ton portrait. Félicien, c'est Félicien, c'est tout. Il faudra l'aimer encore plus, Mireille. Il ne faut pas attendre, Michel. Je l'aime. Moi aussi, très fort. Je suis moche, maman. J'ai des gros yeux. Un grand nez. la bouche de traviole et j'en passe. Papa, je suis pas mignon, pas trognon. Je le sais, je le sens. C'est tout ce que j'essayais de vous dire en kidnappant maman. Vous dire que troisième fois qui coince, je ne sais pas comment la faire devenir quatrième fois qui, après réflexion, ne dit pas non. Je suis assis dans mon lit à barreaux et ce soir, je n'ai pas envie de rire. Félicien Moutarde fait une dépression sérieuse. Moi, Félicien Moutarde, l'enfant pas gâté par la nature, je viens quand même d'avoir 2 ans. Bon anniversaire, ma chouquette. C'est le nouveau truc de ma mère. Elle m'appelle ma chouquette. Je me demande ce que j'ai de commun avec les chouquettes. Est-ce qu'elle se moque de mes oreilles? Comme cadeau, j'ai eu droit à 1 semaine de vacances en Suisse. La Suisse, c'est un pays d'Europe en plein milieu. Les habitants, on les appelle les Suisses et les Suissesses. C'est aussi le pays de fabrication de ces petits yaourts que je vomis régulièrement à la fin des repas. Ma mère Mireille m'a dit « Félicien, ma chouquette, papa et maman vont t'emmener en Suisse chez Pépère Philémon et Mémère Louise. » Genève, c'est au bord d'un lac, le lac Léman ou lac de Genève. Papa me dit qu'on ira voir les cygnes et les canards au bord du lac Léman de Genève. Pour l'instant, je suis bien content. Je n'ai pas de soucis vu que c'est pas encore la Suisse. Par exemple, je suis assis derrière, dans la voiture, comme un bébé vu que je suis encore un bébé. Je regarde les paysages. Des fois, il y a des vaches. Il y a des montagnes. Il y a des camions. Je n'ai pas encore trop de raisons de sauter en marche, mais je sens que quelque chose de grave va se passer. Je le sens. Félicien Moutarde a du flair pour les trucs super pourris. Félicien, mon chéri, viens dans les bras de ta grand-maman. Bonjour Félicien, embrasse ton grand-papa. Pépère et Mémère n'aiment pas qu'on les appelle Pépère et Mémère. Ben pourquoi? Quand on voit mes grands-parents, on se demande comment c'est possible que ce soit les parents de mon père. Eux, mes grands-parents, ils sont tout bronzés avec une belle peau pour des vieilles peaux. Et puis ils sentent toujours bon. Tu sais, cette bonne odeur qu'on trouve des fois dans les placards ou les tiroirs. Ils sentent ça, les petites boules blanches, c'est ça. Ils sentent ça, j'adore. Et ils ont des dents tellement parfaites que maman appelle ça des dentiers. Non, ce qui est insupportable dans cette ville, ce sont les parcs. Ouais, voilà, ça, voilà. Non, comme si ça devient une ruine. C'est pas ça qui va te ruiner, papa. Maintenant, je regarde les canards suisses. Maintenant, je regarde les bateaux suisses. Maintenant, je regarde les grosses voitures suisses depuis le siège arrière de la grosse voiture suisse de mon pépère suisse qui n'est pas content avec les parcs-maîtres. Il dit que c'est de l'arnaque, les parcs-maîtres. Alors, je découvre l'arnaque suisse. Il y a des manèges très beaux au bord du lac Léman de Genève. Il fait chaud et on transpire comme des bœufs suisses. Je suis en plein milieu de mon cadeau d'anniversaire. C'est bizarre d'être à l'intérieur d'un cadeau. Je regarde le ciel et je cherche le ruban, mais il n'y a pas de ruban. Un cadeau sans ruban, c'est pas un cadeau. Je commence à penser que mon cadeau n'est pas un bon cadeau. Et en plus, il se met à pleuvoir. Et j'ai l'impression que les canards suisses pleurent des larmes suisses. Les voiles des bateaux sont mouillées de larmes d'eau douce de lac suisse. Et les grosses voitures pleurent des larmes d'essence suisse. J'ai l'impression que tout le monde pleure. Qu'est-ce qui se passe? À Genève, l'été de mes 2 ans, je fais une dépression sérieuse dans la super maison de mes grands-parents. Quand on regarde le monde depuis l'intérieur d'un cadeau, le monde est tout flou. Allez, ma chouquette, va dire au revoir à Pépère et à Mémère. Oh. Écoutez, Mireille, cessez de l'appeler ma chouquette. Après quelques jours de dépression suisse, on dit au revoir à Pépère Philémon et Mémère Louise. Ils sont très beaux quand on leur dit bye-bye. Ils m'ont donné des sous pour mon compte en banque. Ils sont gentils. Ils sentent les petites boules blanches. Ils détestent mes parents. Ils ont engueulé ma mère quand elle m'appelait Chouquette. Ils ont dit que ça pouvait me romantiser, traumatiser. romanisé, je sais plus. Je n'oublierai jamais la Suisse. C'est si beau, c'est si triste. C'est vraiment ça. Tu es enfermé dans ton cadeau et tu te demandes comment sortir. Pour mes 3 ans, je veux un jouet. Un jouet suisse, ça ne me dérange pas. Je suis sûr qu'un jouet suisse, il met beaucoup plus de temps à se casser. Félicien Moutarde dédicace son premier roman. Depuis un bon moment, Josepha Riton ne vient plus au jardin d'enfants. Quelle sale histoire. Il y a toujours Brutus et Brenda, mais pas de Josepha. Où est-elle? Que devient-elle? 5e fois qu'il disparaît. J'ai écrit une lettre à mon amour, Josepha Riton. Enfin, je lui ai dessiné une lettre plutôt, vu que je ne sais pas écrire, vu que je suis encore un bébé. Je n'ai pas l'adresse de Josepha Riton. Alors, je la demande à ma mère. Ici, on veut A.S. Josepha Riton. Je sais. Quand je parle au lieu de penser, ça craint du boudin, mais j'y peux rien. Tu veux de la fesse et pas du ton, petit précoce, va. Ça veut dire quoi, précoce? Vu que ma mère est complètement bouchée, je décide d'improviser quelque chose. Je dessine Josepha Riton sur l'enveloppe dans laquelle j'ai plié ma lettre à image d'amour. Quand je finis de dessiner Josepha Riton, je montre l'enveloppe à maman et elle rougit de bonheur. Oh mon Félicien, comme c'est joli. Tu dessines bien les brouettes, dis donc. Une brouette? Pas brouette. Mais c'est pas une brouette. C'est Josepha Riton. C'est ma gonzesse, maman. Ma vie est gâchée pendant quelques minutes. J'en arrive à cette conclusion. Josepha Riton ne recevra jamais ma lettre, vu que le facteur risque de la poster chez Monsieur Jardinage. Ma seule chance de revoir Josepha Riton, c'est de lui écrire un livre. Mon roman commence comme ça, un gribouillis. Puis un gribouillis un peu plus long. Un gribouillis très obscur. Un gribouillis très sec. Un gribouillis plus drôle avec des bananes dedans comme des sourires. Bref, c'est très rythmé. À la télé l'autre jour, ils ont parlé de ça, d'une écriture rythmée. Alors je rythme. Je gribouille des tas de pages parce qu'un bon roman, ça doit être très long. C'est un bon roman, je crois. Il est là, sur ma table de chevet. Il ne bouge pas. Il reste là toutes les nuits. Je ne sais pas comment faire pour qu'il arrive dans les librairies, mon roman à image d'amour. Je n'ai qu'un seul exemplaire et il y a tellement de librairies. Comment savoir dans laquelle tu viendras l'acheter, Josepha? La vie est tellement cruelle avec moi. C'est comme s'il y avait des carrefours plein la ville et je suis toujours là à regarder les directions possibles. Et je ne bouge pas. Et mon roman non plus. Et l'amour attend. Et le temps passe. Et l'amour attend. Et le temps passe. Et bon, je m'endors à force. Dans mes rêves, il y a Josepha Riton. Félicien Moutarde et Josepha Riton. Main dans la main. Je me dis que les rêves, c'est peut-être mieux que les romans pour se retrouver. Au fond, c'est peut-être la même chose. Peut-être que c'est mon roman sur la table de chevet, c'est mon roman qui rêve. Et je tombe dedans, par hasard, parce que je suis couché près de lui. Mon roman et moi, on rêve de toi, Josepha. Reviens. Je m'appelle Félicien Moutarde. Tu sais, on s'est vu au jardin d'enfants. Tu t'es balancé à côté de moi. Reviens. Je veux te dédicacer mon cœur tout pourri. Refleurie-moi. C'était Les sales histoires de Félicien Moutarde, de Fabrice Melchiot, avec Christophe Giordano, Nathalie Canoui, Mousse, Emmanuel Lafont, Ingrid Bambert, Evelyne Guimara, René Renaud, Caroline Breton. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Serge Ristich, Annie Le Bosselet. Assistante, Maya Bocquet. Réalisation, François Christophe.